Nous saluons chaque frère et chaque sœur au nom de Jésus-Christ. Nous en profitons pour saluer même nos frères et nos sœurs qui nous suivent en ligne. Nous souhaitons à chacun de nous des riches bénédictions de la part du Seigneur. Inclinons nos têtes. Je vais prier. Mufalme na Mokozi Bwana Yesu Kristo. Notre roi et notre sauveur Jésus Christ. Mungu wetu na baba yetu. Notre Dieu et notre Père. Ni mungina lako. C'est dans ton nom. Tunakusanyika tena imangaribi. Que nous voici réunis encore ce soir. Mungina lako Bwana Yesu Kristo. Seigneur Jésus. Tukunainamisha vichwa yetu na heshima kabisa. Avec beaucoup de respect, nous inclinons nos têtes. Bene kuyua kusema. Tout en sachant que leo tuku amezura ta kushimama na kutembea, c'est par ta décision. Aujourd'hui nous sommes en mesure de nous tenir et marcher ni kompango yako. Hakuna ule alilipa fedha. Personne n'a payé. Hakuna ule ekumkalamushi. Il y a personne plus malin. Mukona vile kuna itongeza mashiku Seigneur. Voyant comment tu nous donnes encore des jours. Atuna na chakulurishia. Nous n'avons rien à te retourner. Na tukuna sema asante. Et nous te disons merci. Na kurileta. Et nous nous amenons entièrement entre tes mains. Utukumbuke Seigneur. Souviens-toi de nous Bwana. Tukubantu na mabuzaifu ya mingi. Nous sommes des hommes avec beaucoup de faiblesses. Na bilema bya mingi et beaucoup d'infirmités na ukosefu ya mingi et beaucoup de fautes munjina ya Bwana Yesu Kristo. Au nom du Seigneur Jésus, utusamehe Seigneur. Pardonne-nous Bwana na upate kondosha ovu yote et accepte d'ôter nos iniquités. Njui Adamu na sadaka Bwana Yesu Kristo. Accours du sang et l'offrande de Jésus Christ. Ichikia kutupokelea leo tena. Accepte de nous recevoir encore aujourd'hui. Tembelea kila mmoja. Visite chacun de nous. Upate kujifunula ikwe kwa bakubwa ikwe kwa batoto kiloko. Accepte de te révéler que ce soit chez les enfants ou chez les adultes. Tunza mili yetu. Guéris nos corps. Jibu kumangaiko kila mmoja. Répond à nos préoccupations. Seigneur, Bwana, na upate kokola totalement maisha yetu. Et accepte de sauver totalement notre vie. Kumbuka tabanduku au badada beko netufuata kwa njia ya internet. Souviens-toi de frères et de sœurs qui nous suivent à l'internet. Requête yote tunaweza kuya nayo. Toute requête que nous pouvons apporter ici. Mtu tu moya ule tunayua anajibwaka na tunzaka na barikaka ni wewe Yesu Kristo. L'unique personne que nous connaissons qui guérit, qui bénit, c'est toi le Seigneur Jésus. Umukumbuke nduku Sheribin. Alors souviens-toi de frère Sheribin. Magonjwe kuna mderange ni kaja shetani. La maladie qui lui dérange, ce sont les lèvres du Satan. Jina lako Bwana Yesu Kristo. En ton nom Seigneur Jésus. Nyoloshe mkono yako en sa faveur. Étends encore ta main en sa faveur. Pate kumutunza nduku. Accepte de guérir notre frère. Na usaidie kila mmoja tabenya bakulete requête katikati yetu. Accepte d'aider chacun de nous, même ceux qui n'ont pas amené leur requête. Tunereachiria shibote na benyebe kone tufata kumikono yako. Nous tous nous abandonnons entre tes mains et ceux qui sont en train de suivre. Weye kuya sema. Viens parler. Pour que tupate kubarikiwa. Afin que nous soyons bénis. Sema pour que. Parle. Tupate imani. Pour que nous puissions avoir la foi. Tunereachiria kumikono yako. Nous nous abandonnons entre tes mains. Nakomba na imani. En priant avec foi. Mujina Bwana Yesu Kristo. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Le frère Mbuyu David, le pasteur de notre assemblée de Port-Gentil, a salué toute l'assemblée au nom de Jésus-Christ. Nukumbuyu Gentil, au montant de Port-Gentil, en assemblée de la Mujina Yesu Kristo. Apocalypse chapitre 3. Ufunuo sura ya 3. Apocalypse chapitre 3. Funu sura kiatatu. Verset 21. Musa celui qui vaincra, ule atawina, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Tamukalisha nami pakichangwa enzi. Amen. Amen. Pouvez-vous asseoir? Munazukala. Nous évoluons avec notre sujet tunaendelea na shina yetu qui est une partie yenye kuya sehemu du sujet principal et tu ne le sais pas ya ile shina msingi na aujui mais cette fois-ci lakini c'est comment puis-je vaincre hapa tunasemezia namna kali naweza kushinda. Quand il est question de se demander comment vaincre, wakati ni mambo ya kujiuliza namna kani mitashinda wala mitawina, donc il est question d'une guerre et d'un adversaire. Nikusema ni mambo ya vita na kuku adui. C'est ainsi que depuis hier, njikomana tangia jana, nous disions ceci, tulianza kusema hivi. Même dans le naturel, ata mwasili, nous prenons le cas des sportifs, tulabeba mu ama fanya michezo ya boxeur, bakupigana mangumi, équipe de foot ou de basket, team ya football wala ou ya basket wala karateka. Observe et même non seulement ces gens-là, aina tu pakabale batu, même en politique, ata musiasa. Quand il s'agit d'aller en compétition électorale, kama munafendo fanya campagne, chaque camp se prépare. Kila timu inekaraka mkujitayarisha. Ils doivent examiner attentivement banapashi kukala na kuangalishisha mzuri la stratégie de l'autre camp. Ule eko natenda namna kani wanafanya campagne kimi namna kani. Discerner l'esprit de l'autre camp. Manapashi kujua mzuri roho ile inaongoza kule ngambo. Pour ce qui est des sportifs, kwa ile inaangalia wafanya mchezo, quelqu'un qui doit aller en compétition sportive, kama mtu anafenda compétition, il doit bien étudier son adversaire. Anapashi kubeba wakati yote ya kumfunda ule atakumbana naye, vraiment bien le connaître, amujue mzuri toute sa technique, ayue namna yake ya kutupa mangumi, pour chercher à avoir de la victoire dans cette lutte là, njuu ya kutafuta apate ushindi mwile ukomvi. Ce qui est vrai pour les choses naturelles, yenye kwa bya kweli mbitu ya asili, l'est aussi pour les choses spirituelles, njuu vile na mbitu ya kiroho. Et d'après l'écriture, na kufuatana na andiko, celui qui connaît bien notre adversaire c'est Dieu. Ula najua mzuri adui wetu ni Mungu. C'est ainsi que dans 1 Pierre chapitre 5 qu'on a lu hier. Jokomana mpeto wa kwanza sura ya 5 tusoma jana. Le Seigneur lui-même, Bwana yeye mwenyewe, l'appelle l'adversaire. Amuita sema ni adui. 1 Pierre chapitre 5, mpeto wa kwanza sura ya 5, verset 8. Musa yake amunani. Soyez sobre, mouez na kiasi, veillez, kesheni, votre adversaire, adui wenu, le diable, diabolo, rôde comme un lion rugissant, eko na pika nkambi, sawa simba, mwenye nguruma, qui il dévorera, na eko na tafuta, ni nani atapepeta. Et comme on a affaire à un adversaire selon que Dieu nous le révèle clairement, le même Saint-Esprit qui parle de l'adversaire dans Luc 14 nous a dit ceci, verset Quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Kusema hawezi kukala kwanza na kuangalia kusema kama na watu 100 anaweza kwenda kupika na ule mfalme mwingine na kwa watu 200. Notre adversaire, comme je disais, celui qui le connaît bien, c'est Dieu. Mwenye anamfahamia mzuri ni Mungu. Celui qui le décrit bien, c'est Dieu. Ule anamwandika mzuri ni Mungu. Et c'est ainsi que même tantôt j'ai suivi la lecture faite par le diacre. Ephésiens chapitre 6. Suivez comment lui-même Dieu le décrit. Ephésiens chapitre 6. Verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. On donne plus d'éclaircissement sur ce que est notre adversaire. Que ce ne sont pas des êtres comme nous, charnels. Sont des êtres spirituels. Amen. Amen. Mais contre les dominations, lakini tunakumbanisha mautawalo, les autorités, mamlaka, contre les princes de ce monde des ténèbres, wafalme wa ulimwengu wa magiza, contre les esprits méchants, na tunakumbanisha maro mchafu, dans les lieux célestes, wafazi pali pa mbingu. C'est ainsi que hier, jana, nous vous disions en même temps aussi ceci, vile vile hivi, que le monde dans lequel nous vivons est sous l'influence de plusieurs esprits. Iko chini ya uvuto, ya maro, ya kwa chana chana. Il y a d'un côté le Saint-Esprit moya, et de l'autre Satan qui est l'adversaire de Dieu et notre adversaire. Ngambo ingine kuku shetani mwenye kwa adui wa Mungu na adui wetu. Et les démons. Na mademona. Vouloir ou pas. Upende wala pana. Tout homme mortel. Mutu oti wakufwa. Est sous l'influence d'un esprit quelconque. Eko chini ya uvuto ya roho mwa fulani. C'est ce qui te fait agir. Na ni ile ndio inakutendesha. Qui te fait parler. Na iko na kusukuma useme. Qui te fait te conduire comme na, tu te conduis. Ule na kuongoza mnamne ile unajiongoza. Même quand vous observez tous les hommes sur la terre. Atakama unaangalia watu wote pa dunia. Même toutes ces femmes qui laissent à découvert leur sein. Ataba na mki wote binacha majiba boazi. Il y a un esprit qui les pousse à faire ça. Roma fulani njone basukuma wapate fanya. Et quand Dieu parle de ces esprits là, il les a des dominations. Wakati Mungu yeye anasema njoo ni mako, yeye anasema ni mautawalo. Oui. Sont des esprits qui ont une très forte influence. Ni maro iko na uvuto mkubwa kabisa. Et qui se comportent en chef. Na iko njitoala sawa yonjo na kwa mkubwa inaanza kutawala. Pourquoi? Njua nini? L'homme naturel que nous sommes. Mtu kwa asili vile tuiko. Dieu nous a créé pour être dirigé par un autre plus grand esprit que nous. Mungu alitumba ni njoo tupate kuongozewa kwa roho yenye kwa yulu yetu. Et l'esprit qui était censé diriger l'homme, c'est Dieu lui-même. Na ile roho ilikuwa ipasha kutumikisha Mungu ala kuongoza mtu ni Mungu mwenyewe. Mais à cause de la chute. Mais kwa ajili ya kuanguka mnamshamba la Edeni. Adam nous a vendu. Alituzisha sous la domination, nous a livré entre les mains des dominateurs. Alitutoa chini ya mikono ya watawala qui sont Satan et les démons. Wenye kuwa diabulu na mademona. Esaïe plutôt. Isaïa. Esaïe. Isaïa. Ésaïe chapitre 26. Isaïe makumbinasita. Ésaïe 26. Isaïe makumbinasita. Ésaïe chapitre 26. Isaïe makumbinasita surayaki. Verset 13. Musaki akuminatatu. Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. D'autres dominateurs, d'autres princes, d'autres autorités ont dominé sur nous. Amen. Amen. C'est avec la chute que l'homme est sous l'influence d'autres maîtres. Amen. Amen. Et ces esprits-là, depuis qu'ils ont été précipités d'en haut, ils errent dans les airs. Ce sont des errants. Et le Saint-Esprit, par son serviteur, nous a dit hier, ils sont inoffensifs à partir du moment où ils n'ont pas un vase dans lequel agir. Même dans cette salle, les esprits sont là, cherchant à exercer une influence sur un frère, sur une sœur. Ils sollicitent nos cœurs et nos corps. De même, ce qu'ils font, le Saint-Esprit cherche à faire cela sur chacun de nous. C'est pourquoi, frère, bien connaître un ennemi, sa manière d'agir, sa manière d'influencer quelqu'un, est très pertinent pour nous. C'est ainsi que tu sauras comment triompher de lui. Tu sauras comment lui résister. Comme le Saint-Esprit, là, on a lu dans 1 Pierre 5. Quand vous quittez le verset 8, il y a le verset 9. La Bible dit, votre adversaire rôde comme un lion. Et le verset 9 dit, résistez-lui avec une foi ferme. Et il fuira loin de vous. Dans le message que nous avons reçu en ce temps de la fin, beaucoup de sermons ont été consacrés à l'inscription de nos adversaires. Maubiri mingi baritolea nju ya kutonesha namna kani badui yetu beko. Démonologie, domaine religieux. Kujifunza kama demona kazi ya kidini. Démonologie, domaine physique. Kujifunza kama demona muhali ya mumwili. Les esprits séducteurs. Maho ya utongozi, maubiri. D'une manière ou d'une autre, le Saint-Esprit a voulu tellement le mettre à nu pour permettre aux élus de cet âge avoir la victoire sur Satan et les démons. Quand la Bible dit, mon peuple meurt ou périt par manque de connaissance. C'est réellement la vérité. Akika, frère, Nduku, pour faire une petite parenthèse, observez même certaines assemblées dénominationnelles. Quand on ne connaît pas bien à qui on a affaire, wakati aujue mzuri adui wako, Vous êtes fichu. Nous sommes chaque côté, chaque cosa. Vous êtes, c'est-à-dire, vous êtes battu à plate couture, comme on dit. Vous êtes, c'est une défaite totale pour vous. Nous sommes chindua kabisa. Comment pouvez-vous imaginer? Moi, Zaku. En ces temps ici. Mui wakati. Où la parole, la lumière a été suffisamment répandue. Mule nuru iliangaza kabisa. Vous trouvez des gens dans des assemblées comme ça. Unakuta batu makutano paka hivi hapa. Michi avec des bâtons, avec des machettes. Beko na pika shetani. En train de tuer ou de taper les diables. Un être spirituel. Mutu akiro. Vous le fouettez. Mais mon abe fimbo c'est un pique. Vous l'entrecoupez avec une machette. Unaanza kumkatakata na mpanga. Vous les liez. Vraiment, c'est, vous êtes foutus. C'est-à-dire, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. C'est ça maintenant le malheur de cet âge. Et cela n'est pas resté seulement avec les dénominations. Cela, petit à petit, pour les de gagner du terrain même parmi nous. C'est ainsi qu'en vous lisant ce que le Saint-Esprit a écrit par Frère Franck, nous vous disions ceci. Même là où l'Esprit de Dieu était à l'œuvre, à ta phase, il est roi à Mungu qu'on a tumika. Il s'est institué dans la grande tragédie et le plan de salut de Dieu. Même là où le Saint-Esprit est à l'œuvre, Satan se glisse. Il sème la confusion. Il sème la division. Il cause de la tromperie. Il fait beaucoup de dégâts. Amen. Amen. C'est ainsi que, frère, quand on connaît bien qui est son adversaire, toutes ses manœuvres, toute sa manière d'influencer ou de se glisser dans un homme ou dans une femme, vous n'allez pas vous tromper de cible dans votre foi. On a vu dans l'histoire biblique. Il n'y a pas de suite. En grand frère, mon bureau, dans mon cas, je suis un package. Fungula s'est ouvert, tire seulement. On a vu dans l'histoire biblique comment cet adversaire a agi. Je donne un petit exemple. Il y a eu un jour, David, que vous connaissez, avec toutes les expériences qu'il avait avec Dieu, David un jour s'élève. Prenez ça. Deux chroniques. Mambo ya siku ya pili. Deux chroniques chapitre 1 chronique chapitre 21. Mambo ya siku ya kwanza mstari ya ya 21. Un chronique chapitre 21. Mambo ya siku ya kwanza sura ya 21. Un chronique chapitre 21 verset 1. Musaki ya kwanza. Suivez. En fait. Satan se leva contre Israël. Et qu'est-ce qu'il fait? Daniel Fanya. Il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Akaramusha Daudi njua pate kubalula watoto wa Israeli. Ce que David faisait. David croyait que c'était correct. David a dit en ambiance chef d'état-major, il a dit, le chef d'état-major a dit, nous devons faire le dénombrement d'abord de notre armée. J'aimerais savoir le nombre de notre alors, armée, de nos soldats. Alors la chose ici, dans la loi, Dieu avait refusé de faire le dénombrement des enfants d'Israël. Il dit, vous ne regardez pas à votre nombre. Parce que c'est lui qui combat à votre place, ce n'est pas vous. Mais c'est moi. Parmi vous. Alors ne paniquez pas. Vous avoir le nombre d'adversaires, même si ce sont des Goliaths, des géants. Moi, je suis de votre côté. David n'a pas tenu compte de la parole. Daoudi a chouangaré kuno l'amour. Il s'est réveillé. Akamuka. Ne sachant pas que. Bilaye kujua. Satan m'a déjà possédé. Satani anesha unishika. Et David dit à Joab et au chef du peuple. Na Daoudi akamwambia Joab na wakubwa wote wa mataifa. Allez. Faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan. Tangia ku Beersheba hata kufika kule Dan. Et rapportez-le-moi. Na munlete esabu yabo. Afin que je sache à combien il s'élève. Kusudi nipate kujua sema batu bote ko bangapi. Joab répondit. Joab akamjibu. Que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ah, wa milele apate kuzidisha taifa yake. O roi mon seigneur. O mufalme bwana wangu. Ne sont-ils pas tous serviteurs de mon seigneur? Eti bote aina watumishi wa bwana wangu. Mais pourquoi mon seigneur demande-t-il cela? Dieu a nini sasa bwana wangu analomba ile? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Dieu a nini kutendesha Israël muinamna? Le roi persista. Lakini Daudi arikankamana. Dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Mwile agizo anapatia Joab. Et Joab parti. Na Joab akaenda. Et parcourut tout Israël. Na akazunguluka Israël mujima. Puis il revint à kisha akarudi à Yerusalem. Frère. Il a fini de faire le travail. Anaisha fanya kazi. David n'a pas compris qu'il Daoudi venait de commettre une grave erreur. Ashufike pa mkolo asema ashafanya kosa mkubwa. Et que cette inspiration na, suivait maintenant. Ile uvuto. Cette inspiration il est uvuto. Ne venait pas de Dieu. Aikitokea kwa Mungu. Venait de l'ennemi. Ilianza kutokea kwa adui. Quand vous ne savez pas identifier l'ennemi. Mwakati aujue kutambulisha wala kumfamia adui wako. Et comment il agit? Na namna kani anikalaka mkutenda. Vous allez parler, utasema kanya, kutenda, vous comportez comme na, vous voulez. Kujitwala vile unapenda. Ne sachant pas lakini, que lakini aujua ce kusema, que je fais, kile nafanya, je suis sous l'inspiration de Satan. Chini ya uvuto wa Shetani. Ce sont les démons qui me font, ni mademona, qui me font parler. Hivi. Amen. Amen. Nous devons faire très attention. Chie, tunapasha sopoka kabisa. Nous, dans nos actes, dans notre façon de parler, dans notre façon d'agir, que ce soit dans nos maisons, que ce soit à l'église, que ce soit dans la conduite des affaires de Dieu, que ce soit à la chorale, il faut toujours savoir bien examiner et les motifs et les objectifs. Il faut kwanza kuangalishisha sana kifukuzio ni nini na nini unataka. Faut-il savoir namna kanitajua si ce que j'ai fait ya kusema hiki nafanya est contraire à la volonté de Dieu. Kiko na kumanisha mapenzi ya Mungu. C'est en regardant l'écriture. Ni kuangalia tu kuandiko. Amen. Pouvez-vous imaginer waza la Bible parle de Satan qui s'élève, Shetani analamuka, mais pour agir, kutenda, il va saisir David. Anenda kumuro ya Daudi. Il lui inspire. Anampatia uvuto. C'est pour dire que kusema, notre adversaire aduetu, n'est pas tout simplement. Il n'est pas question de dire tout simplement que notre adversaire, ce sont les démons, c'est Satan. Ce sont des esprits. Ni Shetan, ni mais maru. Les esprits maru. Donnent l'inspiration, donnent des pensées, produisent des sentiments, mania, produisent la volonté dans un homme. kumania wala kutaka ndani ya mtu. Amen. Amen. C'est pourquoi hier, komana jana, en lisant, nous vous avions fait comprendre une chose. Soma, tupenda mwelewe kitu kimoya. En insistant que Satan et les démons, mtia mkazo, sema shetani na mademona, ils ne peuvent rien faire. Abana na uwezo kufanya kitu dans kimoya, une église, ndani ya kanisa, dans une famille, ndani ya jamaa mafulani, dans quoi que ce soit, aizur nini, aussi longtemps qu'il ne trouve pas abapate, un homme ou une femme. Mwanamke wala mwanaume mule watatumikia. Donc vous comprenez que sema tukunaelewa kusema l'instrument privilégié chombo wala vase pour les esprits il est et pour le Saint-Esprit na rom na rom chafu na rom mtakatifu ni wewe na mimi. C'est comme j'insistais hier. Pas bien, tu as mon cas, Jean. La guerre autrefois qui était céleste. Il est beaucoup plus courageux à manier Kumbingu. La rébellion qui a commencé au ciel. Il est en zia Kumbingu. N'est pas resté au ciel. Aïe, comment qu'il est tout Kumbingu. Le terrain ou le champ de bataille. Ibeta ou à la phase de beaucoup. Selon que le Saint Esprit nous a révélé dans le message. Na vile rom tatif tu venu yaga mujumbe. Selon. Ni muntu. Le lieu d'affrontement ya bukomvi ya kombania où Satan pale shetani livre bataille et les démons na mademona face à Dieu mbele ya Mungu macha Mungu ni ndani ya mtu. Amen. Amen. D'après ce que nous vous avions lu hier, il y a même beaucoup de citations, mais on ne saura pas tout exploiter. Amen. Amen. Dans la plus grande bataille jamais livrée, où le conflit entre Dieu et Satan, ou même le combat, c'est là que le Saint-Esprit, frère, par la grâce de Dieu, nous dévoile totalement que l'esprit de l'homme est le lieu où Satan vient affronter Dieu. Et Dieu aussi dans sa sagesse. Na Mungu katika hekima yake. On va revenir à cette écriture. Taudia kuandiko kisha. Attendez, je cherche une écriture là. 1 Corinthiens chapitre 6. Wa Korinto wa kwanza sura ya 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Wa Korinto wa kwanza sura ya 6. En Corinthiens chapitre 6. Roto kwanza sura ya 6. Regardez, on prend seulement le dernier verset. Mais à la maison, vous pouvez commencer un peu plus haut. Ni kwanza kuyulu. Regardez le verset 20. Mangaya musaki makumbi. Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Le Saint-Esprit veut te faire comprendre que n'accepte pas que ton corps, que ton esprit serve Satan. Amen. Amen. Voyez ce qu'il a fait avec David. David croyait que tout lui était permis de demander le dénombrement. Et pourtant, son chef d'armée a voulu lui faire comprendre que ce que tu fais là n'est pas correct. Tu commets une erreur. Tu brises la parole de Dieu. Et David n'a pas compris. Il s'est même énervé. Parce qu'il donne un ordre, mais son subalterne lui opposer une résistance. Mais lisez la suite de cet événement-là. Israël fut frappé à cause de David. Amen. C'est pourquoi vous allez voir 1 Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4 verset 1. Yona kwanza sura ya 4 mstari. Bien-aimé, wapendwa, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mushengeze imani kukila roho. Hapana kuitika. N'acceptez ajoutez pas. Ajoutez foi, c'est-à-dire ne recevez pas. Mushipokee. N'acceptez pas. Mushichike. Les esprits parlent. Maro yunasema. Les esprits donnent l'inspiration. Maro inaletaka uvutu. Les esprits suscitent Maro des sentiments. Inalamshaka mania. Les esprits suscitent Maro des pensées. Des intentions. Mania. Et nous, étant avertis, connaissant bien l'adversaire, sachant que c'est un esprit, sont des esprits qui cherchent à te faire admettre quelque chose. Dès que tu reçois ce qui vient d'eux, automatiquement tu tombes sur leur influence. Tu tombes sur leur domination. Et tu vas subir leur dictat. Na utanza matokeo yako utakuwa ni bile bobe nasema. Bwana mbariki. C'est pourquoi le Saint-Esprit lui na Rome takatifu ntwambia n'ajoutez pas foi. Mwenye mushichike. C'est-à-dire n'acceptez pas. Mushichike. La foi vient de ce que l'on entend, non? Na kwa ni kuile tuashikia. C'est pour dire les esprits peuvent te communiquer quelque chose. Na yo inaweza kuambia kitu kimoya. Peuvent te parler. Inaweza semezea. Peuvent te proposer des choses. Mais toi, oppose une résistance. Na on a pas kangala, on a pas katala. Bon embarik. Le Seigneur bénisse. Ce qu'ils font là, c'est dans un seul but. Na kibeo la shababu. De trouver un homme, une femme qui va approuver ce que eux leur proposent. Ata kubali wala kuichika kile bobe na tete. Tu acceptes. Na pale onichika. C'est fini, tu tombes sous sa possession. Unanguka chini ya uvuto. C'est comme ça qu'Adam et Eve sont tombés sous la coupe de l'ennemi. Unanguka chini ya kikombe ya adui. Et voilà le conseil du Saint-Esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais que devons-nous faire? Éprouver les esprits. On les éprouve comment? Je me dis, je vais me poser la question. Est-ce que le pensée qui monte à moi? Je commence à haïr le Fengoï. Ça vient du Saint-Esprit. D'où vient que le Saint-Esprit peut susciter la haine à moi contre mon frère? Je commence à souhaiter la mort de mon frère. Je commence à souhaiter quoi que ce soit. La jalousie qui monte dans mon cœur. Est-ce que le Saint-Esprit peut me donner une telle pensée? Ou tu as voumboula na wome yoksema? Non, toi-même, il y a un esprit qui me pousse à faire ça. Amen. Il y a un esprit qui voudrait que j'accepte ça. Bon embarik. Que le Seigneur bénisse. Quand vous le connaissez bien, vous saurez comment comment avoir de la victoire sur lui. Quand vous ne le connaissez pas bien, ça, c'est comme une famille. C'est fini, vous êtes tombé. Naisha, on est changuk. Il viendra, atakuya, vous proposera des choses, abitu, vous avalerez na utameza, et vous tomberez sous sa possession. Chini ya uvuto yake. C'est comme je l'ai dit une fois. Téléphone niyang. Le téléphone m'appartient. Mega niyang. Le méga m'appartient. Mawazo tout moi nanze kunikuya. Et de certains passants montent à moi. Faut tambele porno. Et suis d'abord les films pornographiques. Ça vient du Saint-Esprit. Et il mawazo en tout cas homme taratif ou apan. Ce que mon tout le monde a proposé. Il y a quelqu'un qui entend des propositions. Dans tous ces sermons, oui, ma obirio, je crois dans le combat où vient la pluie. Frère Branham précise bien. Branham, il dit Satan, c'est un homme. Pas charnel. Mais c'est un homme spirituel. Tel que nous avons tous ces sens. Lui aussi descend. Amen. Il a tous ses sens. Il sait comment parler, comment amener quelqu'un à accepter son raisonnement. Frère, on en a tellement avant tout mon assemblage homosexuel. Les gens homosexuels qu'on appelle homosexuels. Ne pensez pas que ces gens-là s'élever comme ça seulement, ça lui montre de épouser un autre homme comme lui. D'abord, il est sollicité. Il y a un esprit qui lui fait la cour. Un esprit qui commence à trop susciter quelque chose en lui. Amen. Et toutes ces passions-là sont causées par un esprit. Vous pouvez lui démontrer que ce n'est pas correct, ce n'est pas hygiénique. Non, mais lui est déjà sous la possession, sous le plein contrôle de l'esprit qui lui a dit ça. Amen. C'est comme ça que les esprits agissent. Et cela, c'est comme j'insiste, cela n'est pas resté dans les dénominations ou dans le monde. Cela est agissant même parmi nous. Il n'est pas dit que sauf les officiants, non. Sauf les prédicateurs, non. Tous ces gens qui divisent les églises ou qui empoisonnent les uns les autres là, sont des esprits qui sont en lèvre. Voyez le cas de David. David, en se réveillant ce jour-là, il ne pouvait pas s'imaginer que ses pensées ou cette intention est suscitée par l'ennemi. Même quand son chef d'état-major a voulu lui faire voir ça, David lui avait déjà gobé ce qui venait de l'ennemi. Il n'a pas eu le temps de regarder à ce que disait la parole de Dieu. Regardez le chef d'armée. Lui dit non, que l'Éternel azidiche Jeshia. Il n'a pas compris que nous, notre force, ce n'est pas dans l'effectif. Notre force, c'est la présence de l'Éternel au milieu de nous. Il n'a pas compris. Alors que le même David a triomphé de Goliath, ce n'est pas que David était très fort ou que la pierre qu'il avait lancée, David avait fortement lancé et tout ça. Non, il n'a pas compris que c'était Dieu. Bon embarique. Le Seigneur bénisse. Et l'ennemi, comme nous lisions hier Ézéchiel 28, frère, Dieu, en le créant, Lucifer, lui a donné des capacités au-dessus de des autres archanges. C'était un grand chef parmi les anges. Il avait une forte autorité, une forte influence pour entraîner beaucoup d'anges dans sa séduction. Et regardez, c'est comme je dis, c'est pas un enseignement. Quand vous regardez comment la chose est partie d'en haut, Satan étant resté en train d'observer comment toute l'adoration était adressée à Dieu, il a commencé lui-même un monologue. On peut lire ça. Ésaïe 14. Isaïe 14. Ésaïe chapitre 14, Isaïe 14, verset 12. Moussaïa, à la maison, vous pouvez commencer. Regardez, je vous donne un petit élément. Verset 4. Alors, tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. Et tu diras, quoi? Le tyran n'est plus. L'oppression a cessé. L'Éternel a brisé le bâton des méchants. La verge des dominateurs. Cet esprit-là, on l'a vu dans le roi de Babylone. Pour comprendre que Dieu ne parlait pas du roi de Babylone seulement, mais Dieu parlait de l'esprit qui agissait dans le roi de Babylone. Regardez maintenant le verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Le roi de Babylone n'a jamais été un astre brillant. Fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. C'est comme on vous lisait hier. Aucun pays Satan a laissé en paix. Aucune tribu Satan a laissé en paix. Aucun peuple Satan a laissé en paix. Aucun couple Satan a laissé en paix. Aucune église Satan ne va laisser en paix. Même cette église, Satan a de ses agents ici. Ils attendent le moment favorable. Amen. Mais quant à l'inspiration, ils reçoivent chaque jour l'inspiration qui vient de l'ennemi. Et cette prédication te permet de voir discerner que réellement, dans cette assemblée, je suis l'instrument de l'ennemi. Amen. Je poursuis la lecture. Toi, le vainqueur des nations, oui, tu disais en ton cœur, c'est lui-même qui parlait. Je monterai au ciel. Le roi de Babylone n'avait jamais dit ça. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée. À l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse, et ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement, et c'est là cet homme qui faisait trembler la terre. Satan est un homme. Amen. C'est aussi un homme. C'est pourquoi Frère Branham me dit, les démons sont des hommes, sont des anges. Écoutez ce qu'il dit dans Démonologie, domaine religieux. Citation 43. Les démons sont aussi réels que les anges. Ils sont tout aussi réels. Le diable est aussi réel que Jésus-Christ. Le diable aussi mais est seulement, un homme, mais il est dans un corps spirituel. Le seul qui soit surnaturel, c'est seulement Dieu. Mais Satan et les anges sont spirituels seulement. Amen. Regardez comment il parlait. Tout ça, il ne le disait pas à haute voix. Cela était dans son cœur. Je serai comme Dieu. Je vais établir aussi mon trône. Toute cette inspiration-là, ce monologue a fait que Satan s'est détaché de Dieu. Amen. Nous devons comprendre, en lisant les Écritures, comment nous aussi, nous nous écartons de Dieu, même en ayant un monologue. Ce monologue-là ne vient pas de toi. Il y a un esprit qui te le dit. Ngoindai ataona. Ngoindai verra. Quand tu en parles, ça ne vient pas de toi. Il y a un esprit qui te dit. Dieu l'a kwambia. Calculer. Ah, je vais le calculer. Ta femme en bomoya. Tu ferais quelque chose et tu verras. Et Satan, Nacheta, il est tellement rusé kabisa, que quand moi je commence à recevoir cette inspiration de sa part, il est au tout à quoi. Il va apprêter d'autres agents pour m'accompagner dans cette sale besogne. Vous savez ça? C'est ce que Satan fait. Je vais vous lire ça concernant Judas. Prenez Luc. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Luca, makumbi nambi. Mufa tembele frère. Suivez ndukudad. Unone bibi ntutuguna sema. Voyez les choses que nous parlons. Je sens être poussé à traîner beaucoup. Pourquoi? Parce que chacun de nous, dans cette assemblée, est la cible de l'ennemi. Ni cible ya Shetani. Satan te cherche. Shetani unatafuta. Comme il cherchait Pierre. Pablo unatafuta Petro. Nous insistons pourquoi? Matiam kazu. Pour permettre à chaque frère, à chaque sœur, ninjo kuruso akila nduko akila dada, de veiller. Apate okay. Sur tout ce qui monte dans ton cœur, dans ton esprit, dans tes actions et dans ton langage. Atam kusema kwako. Tu ne sauras jamais que dès cet instant, je suis déjà sous l'inspiration de l'ennemi. Voyez, quand nous lisions 1 Pierre 4, verset 8, la Bible dit, soyez sobre. Qu'est-ce qui va t'aider pour être sobre? C'est mal la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, vous n'aurez pas d'équilibre. C'est seulement la parole de Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit parle, il dit, soyez sobre, veillez. Voyez, avant de parler de l'adversaire, on attire notre attention sur l'équilibre. C'est-à-dire considérer, pour être en équilibre, il faut que quelque chose t'aide à te tenir dans l'équilibre. Et la chose qui peut nous équilibrer dans la vie, c'est seulement la parole de Dieu. Tout ce que vous voulez faire, tout ce que vous voulez dire, tout ce que vous voulez recevoir comme pensée ou intention, considérez l'écriture. Et nous, faisons cet exercice chaque jour. Voyez, la Bible dit, l'exercice corporel aide à peu de choses. Mais la piété, l'exercice de la piété est utile à tout. Combien savent cette écriture? Il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas. Prenez ça. Prenons, mais que tu te veux indiquer. 1 Timothée. Timothée au coin. Timothée 4. On va revenir à Luc 22. Ça, c'est Utawina Dje Wey Atanjiko Ausomaki. Toi, même l'écriture, tu ne lis pas. Comment est-ce que vous allez vaincre? Bible a usé. La Bible, tu ne payes pas. Je vous lisais l'autre fois. Frère Branham me dit, lisez la Bible et priez beaucoup. Kabisa kabisa. Ule kone tushauria njoo nabii. Celui qui nous conseille, c'est lui. Ni roho ya Mungu ndani ya nabii. C'est l'esprit de Dieu. Unaona kama usomake. Si tu n'as pas l'habitude de lire. Shetani atana kuyase huyu faiblesse yake. Ni kukosa kusoma Biblia. C'est de ne pas lire la Bible. Soma you are you atamu Kiswahili. Connaissez-vous? Mu langue yoyote ndio unaweza kusoma. Dans n'importe quelle langue que vous pouvez lire facilement. Utavumbula na bintu bingine. Vous allez découvrir même d'autres. Wakati unekala unaanza kusoma. Lorsque vous mettez à lire. Le Saint-Esprit viendra takuya pour t'envelopper. Njoa kufinika. Te révéler des choses que tu ne connaissais pas. Funuria bitu bila kujua. Bintu bingine haute bishikiria kwa kumimbali. Choses que vous n'allez pas entendre. Bingine utavumbula ni wewe mwenyewe. D'autres qui c'est de vous-même vous allez découvrir. Bwana mbariki. Que Seigneur bénisse. Je me rappelle dans les temps, l'écriture de 1 Timothée 3, verset 16. À Timothée, à je lisais chez moi à la maison. Mina fika mu 16, et arrivé à 16, sima, sans contredit, bila le mystère de la piété voilà est grand. Si utawa, Dieu a été manifesté en chair. Dans mwili. Ah, mina shutuka. Et j'avais tiqué. Dieu. Dieu est devenu un homme. C'est donc Jésus est Dieu. C'est ma Yesu ni Mungu. Dieu veut dire quoi qu'il en dise. Et c'est comme ça que j'ai retenu les choses. Donc c'est écrit. Donc Dieu est devenu homme. Anakuya prêché aux nations. Ah, bah, mobile, ma taïfa, oui, justifié par l'esprit. Ah, c'est comme ça que j'ai su ça. Maintenant si je ne lisais pas. Tu es foutu. Tu vas te prêcher, bon Mungu tatu et tu vas accepter. 1 Timothée chapitre 4. Timothée à quoi sur lequel Verset 8. Exerce-toi à la piété. Weye ujizobeleshe kutawa. Anza kufanya exercice. Commence à t'exercer. Mukuya sa Yesu Kristo. En devenant comme Jésus. Anza kufanya exercice. Ujikaze. Ya kusoma njiko siku yote. Ujizobeleshe kusoma. Kama biukwe vya mafa. C'était pas important. Mungu ashikutafuta kumonesha. Dieu ne devait pas dire à Josué. Que ce livre ne s'éloigne point de la de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est ainsi que tu réussis, tu auras du succès. Na utaanza kuina mambo yako yote. Maintenant, nous sommes vraiment une génération. Beaucoup de temps au téléphone. Wakati ya mingi nous passons sur le téléphone. Et jamais vous n'aurez la victoire. Exerce-toi à la piété. Ujizoeleshe l'exercice corporel. Kujifunza mumwili wala kusomesha mwili utile à peu de choses inasaidiaka mumbitu kidoku mais lakini la piété utawa utile à tout ni amafa kabisa mumbitu yote elle a la promesse de la vie présente na malako ya maisha leo na hata kumwenda mashiku. Unjo Mungu anasema ça c'est Dieu qui parle et ça soit votre exercice comme ça. Bwana mbariki. Que le Seigneur bénisse. Et combien ont compris? Il faut que ce soit ma Bible, frère. Il faut lire la Bible en douce. Il faut avoir une Bible. Nous devons avoir Bible à moya. Comment on fait en ville? Kuku m'invite si ce n'est pas le cas, il y a d'autres batailles. Les diables sont là que si ce n'est qu'à l'église qui écoute la parole de Dieu, c'est le fini. Le reste de temps, c'est son téléphone. C'est fini. Kunaisha. Et il viendra par le téléphone, téléphone t'attirer, kuvuta, te donner l'inspiration et te posséder. Kukuata, kwa, tumbukiza mademona. Luc 22. Luca, turudie pale. Makumbina mbie. Luc 22. Luca, makumbina. Kama shetani ananza kukupa mawazo. Lorsque le diable vous propose des pensées, il commence à susciter des désirs en vous. Frère, le même, atatafutisha bengine ba elema yake. D'autres adui les éléments afin que vous soyez vous formez le, votre groupe. Amen. Minanza kuwaza kukumbanisha ngoindai. J'aimerais combattre ngoindai. Anapashi kunisugumia badada na ba frère. Je dois m'envoyer aussi des frères et des sœurs. Dit, ah, dans cette église, ils sont là, ils vont accepter. Frère José, ce qu'il dit, c'est la vérité. Quittons seulement l'église et c'est fini. C'est l'écriture. Que le Seigneur bénisse. Luc 22. Luca, la, verset 1. La fête des pains sans levain appelée la Pâque approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire quoi? De tuer Jésus. Et ils avaient déjà l'inspiration de faire mourir Jésus. Car ils craignaient le peuple. Verset 3. Or, Satan entra dans Judas. Vous cherchez les moyens. Comment tu fais? Il m'a motivé. Pour faire ça, Satan a semé. Le diable est vous avez accepté. Je vais vous chercher un homme. Que le Seigneur bénisse. A-t-il changé sa méthode de non. Quand José, si moi, José, j'accepte le diable et l'inspiration qui m'a donné, il va me trouver des agents ici qui accepteront ce que moi j'ai fait. Mais vous avez dit, c'est pour ici, la seule ici. Il n'a pas veillé à tout ce qui monte dans son cœur ou dans son esprit. Dans la roue, yaki, ou la Koune Bakouani ils étaient en train de voir leurs propos. Judas n'est pas là. Mais après avoir accepté le complot du diable, le diable a dit qu'une année déjà, vous êtes de mon côté. C'est moi qui vous contrôle. Laissez-moi trouver quelqu'un de l'autre côté. Kulingam. Et Judas Nayuda était là. Bon embarque. Or Judas, Satan entra dans Judas, qui était du nombre des 12. Et regardez, le même esprit qui agissait ici est allé agir dans Judas. Et a dit à Judas, va le proposer. Frère, la profondeur appelle la profondeur. Amen. Amen. Tu as besoin de me dire Mungu, de Dieu, il sait que c'est une mauvaise chose. C'est ça la profondeur qui est en vous. Il va te ramener les sœurs qui aiment la médisance. Unapenda mambo ya kikabila. Tu aimes le tribalisme. Dieu te donnera des frères qui aiment beaucoup le tribalisme. Et quand vous vous retrouvez, l'onction de l'ennemi descend. Vous parlez. Vous parlez. Vous sentez que même votre cœur est dans la joie. Que le Seigneur bénisse. L'ennemi, avant de le combattre, il faut d'abord bien le connaître. Et tout ça, tu ne le savais pas. Bon embarque. Satan donne l'inspiration. Satan donne des pas. Satan produit des sentiments. C'est pourquoi la Bible est très équilibrée. Et elle est l'instrument qui nous permet d'être en équilibre. Colossiens chapitre 3, on est à la, c'est la dernière écriture. Prenez Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 17. C'est pas pour rien. Voyez le Saint-Esprit comment il parle. Quoi que vous fassiez, ça c'est la règle d'or du christianisme. C'est ce qui nous garde dans l'équilibre. Quoi que vous voulez faire, en acte ou en parole, engagez le nom de Jésus. Tenez compte de la parole de Dieu. Pourquoi? Si tu ne fais pas ça, C'est fini. Vous êtes tombé, vous êtes cuit entre les mains du diable. Toi, tu n'es pas très malin. C'est lui qui connaît le diable. C'est celui qui nous dit tout ce que vous voulez faire. Alors, il faut le comparer à la parole de Dieu. Si vous même si les pensées semblaient correctes, ça n'a pas de place dans la parole de Dieu. Éloigne-toi. Arrêtez. Si vous acceptez celui qui t'a donné ce passé, celui qui a révélé ses intentions et ses objectifs, c'est fini. Il va te saisir. Et lorsqu'il va vous saisir, vous ne pouvez pas lui échapper. Même si on vous disait que frère, arrête ce problème, il est vraiment cuit entre ses mains. Vous voyez dans Luc 22, Luca, on termine ça. J'allais vous montrer quelque chose. Luc 22, verset 22, là où nous étions. Verset 3, on a. Or, Satan entra dans Judas. Quand Satan est entré en lui, regardez comment Satan fait. Verset 4. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs de garde sur la manière de leur livrer. Yuda akaenda kumbuya kwani wakubwa njua namna kani atamtoa. Ikusa usha ukikala kunyumba. Tu es assis à la maison. Unashikia vya kwenda kuangalia dada mwa fulani. Ya envie d'aller regarder. Palo kunenda. Au yata kuangalia sema. Nitave même pas regarder. Ikusukuma kwa huyu dada nini? Eh, l'esprit qui me pousse. Ikusukuma kwa huyu frère nini? C'est qui me pousse. Kumbi ula anakuwa kuambia sema wendo. Et pourtant, il est celui qui est venu par là-bas. Anesha déjà kupita kule. Il est passé par là. Et il attend ton retour. Et tu arrives comme ça à la maison. Les mêmes esprits. C'est Marie. Ah. Vous êtes parti visiter le communion fraternelle. Suyez complètement. Vous rentrez là-bas, bon, vous chafoucha. Suyez complètement. Vous avez mouna mendi, vous avez pandisha, parlé à mal de frères, vous avez parlé de la politique. C'est fini. Et kunaisha. Maintenant, pour découvrir donc, que celui qui m'a fait sortir de chez moi, allez visiter Aïna un frère, mungu, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Maintenant, comment triompher? Alors, ni namna kani utashinda. Comment triompher? Namna kani tutamshinda. Et regardez la suite. Na tazameni nafat. Il, dès que Judas est arrivé, verset 5, ils furent dans la joie. Ils convinrent de lui donner de l'argent. Na bakam kakishia se watampacha feza. Banonane vifura moya. C'était vraiment une grande joie. C'est comme si ces gens ici croyaient. Comment vous réjouissez dans les mauvaises choses? C'est déjà faux. Il est bon. Déjà faux. Que tu as bon. Après s'être engagé, il cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. C'est notre secret uniquement. Que le Seigneur bénisse. Vous voyez la façon dont on parle. Frère rapide. Attendez d'abord. Quand on vous entendez parler de la frère a tokelé à et qui a un frère qui surgit ou une sœur. Et vous ne voulez pas que la sœur puisse être au courant ou courant de la Bible dit. Tout ce que vous voulez faire. Faites-le comme en plein jour. Amen. Faites-le en plein jour. Comme si tu vois que attention le frère, attention le sœur. Derrière cette inspiration, c'est Satan. Comment puis-je vaincre? Il faut le connaître. Quand vous connaissez ses manières d'agir, or toutes les manières d'agir de Satan sont décrites dans la Bible. Tel qu'il a agi sur des hommes et des femmes comme toi et moi. C'est question que Dieu nous donne le temps. On prendra des exemples pelles pour t'aider ouvrir réellement que Ce que j'avais fait là, c'était Satan. Ce que je disais, c'était Satan. Les sentiments qui s'élèvent en moi, c'est Satan. C'est pourquoi je vous disais, si toi tu vois les diables, dans les bars, dans les hôtels, à la carrière, il est religieux. Dans cet âge. Il n'est pas en dehors. Il est religieux. Il adore. Et il écoute la parole. Il vient à l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever. J'invite le président.